C'est ici les ultimes versets. Comme un dernier sursaut dans l'âme du fantassin avant la percée. Ma poésie est telle un soldat, hallebarde à bout de bras. Sur ce champ qui voit la mort de bien des braves au combat. Ma poésie témoigne du fracas, du chaos dans l'être. Né du souhait de détruire l'autre et soi. L'autre soi, celui qui déçoit. L'incompris dans ses choix, faible dans sa foi. C'est que le début petit tu comprends pas. Ferme les yeux et vois. Ma poésie dirigeait les mots à sa guise. Légère ou grave, parfois traumatise. Agresse ou caresse avec ses griffes. Déchire l'esprit, des fois sans même faire exprès. Elle est la voix de l'exclu, ses phrases touchent comme le décès d'un proche. Sa force rend mortelle, chaque punchline ricoche sur l'instrumental. Toujours right on time, prêt à ride or die. Right on dra, motherfucker quoi. Ma poésie interpelle, s'épelle comme elle se parle avec des balles. Tire au son de chaque caisse ou cymbale. Slinger sans balles ou sans mal. Dis-lui qu'on s'en bat, rien qu'on baisse ça et puis on s'en va. Ma poésie c'est l'élite, rhétorique explicite. Elle se récite sur un motherfucking fat beat. Qu'on se loue pas sous fat spliff, elle se fâche vite. Si le son fait sa pute, elle le savate. Ma poésie blague pas, ma poésie flaire pas. Ma poésie black flamme et des grosses motherfucking tâtes pas. Elle traîne qu'avec des vrais gars, c'est une bête de belgo. Mais rêve pas, ma poésie ne baisse qu'avec moi. Doit être allumé, être hot kite. Mais une Heineken dans le cul et te fait sucer mes vieilles podcasts. Je sais, elle est trop hardcore parfois. Mais j'y peux rien, elle est comme ça. Depuis qu'on s'aime, je suis un peu comme elle, elle est comme moi. Ma poésie est maniaque, personne l'arnaque. Elle a un pied sur le terre-terre, H24. Des fois les deux quand la musique rapporte apps. Elle change de puce toutes les semaines, même si c'est dur pour que tu la captes. Ma poésie est spirituelle, elle a cessé de s'écrire sous spiritueux. Elle assume ce que j'attends d'elle, ce que je veux. C'est que moins que peu MC puissent dire qu'ils peuvent faire mieux. Parce qu'elle est le stumeux en matière de steuleux. Elle ferme les legueux des petits péteux qui kick des coups moins lourds que mes deux. Elle boxe les haineux, porte les dirigeants et les faux meneurs. Elle s'en bat les couilles de vivre si c'est pas pour être la meilleure. C'est pour mes hommes forts, mes soldats au corps de pierre. Ceux qui manient le fer dehors avec très peu à perdre. Bélec, cherche pas la merde, dis mec tu fais pas l'affaire. C'est des ligues sur le finest, qu'est-ce que tu croyais le frère.